الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. On continue inshallah ta'ala wa billahi tawfiq avec l'explication de sourate Luqman. Et on avait parlé la semaine dernière ici de ce verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَبَعْدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ici Allah subhanahu wa ta'ala il rappelle aux croyants et à la croyante, aux musulmans et à la musulmane, qu'il se doit d'obéir à son père et à sa mère. Mais si ses parents ici lui forcent, lui imposent d'obéir ici autre qu'Allah, d'obéir à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ici de se conformer à des lois qui sont autres ou yani qui vont à l'opposé des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a des parents, d'accord, qu'il doit respecter, voilà, qu'une de ses parents ici lui force à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, fala tuti'huma, tout simplement. Ici la réponse est claire, ne leur obéis pas. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala il rappelle qu'on doit se comporter convenablement avec eux. Et c'est ça le juste milieu. Walidhalika qala subhanahu wa ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. C'est ainsi on a fait de vous une communauté de juste milieu. On leur obéit pas, c'est interdit. Fala tuti'huma, Allah l'a interdit, ne leur obéis pas. Walakin Allah subhanahu wa ta'ala il nous rappelle le comportement qu'on doit avoir et il nous dit ici de se comporter convenablement avec eux. Et c'est pour ça qu'il y a la règle ici qui est un hadith où le prophète alayhi salatu wa salam a dit la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Et on ressort souvent ce hadith qui reste une règle quelque part générale en islam à adopter par beaucoup de musulmans et musulmanes qui se retrouvent quelquefois confrontés à certaines épreuves, comme par exemple avoir des parents qui leur imposent de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, avoir un mari qui leur impose d'enlever le hijab, le mari qui a une épouse qui lui est interdit de se rendre à la mosquée, etc., etc. Donc nous disons le fondement il est là. C'est ce que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq, pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Et ceci est en totale conformité avec les versets coraniques comme celui-là où Allah azza wa jalla a imposé maintes fois dans le Coran de respecter ses parents, mais là il dit même s'il t'ordonne, ou alors plutôt s'il t'ordonne, d'accord, il te force à tomber dans shirk, dans l'association, dans une désobéissance claire envers Allah azza wa jalla, fala tuti'huma, ne leur obéis pas. C'est pour ça que nous disons à tous ceux qui sont confrontés à ce genre d'épreuve, la sœur avec l'époux, ou alors l'époux avec l'épouse, ou bien les enfants avec les parents, ou quelquefois, comme je vous ai rappelé cela la semaine dernière, ici, al-walidayn, les parents, quelquefois avec al-abna, avec les garçons, avec les filles, avec les enfants, on leur dit ici, la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Et c'est comme ça qu'a réagi ici Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu wa arda, quand ici sa mère elle lui a imposé de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de tomber dans le kufr. Et elle a fait même ce qu'on appelle une certaine grève de la faim quelque part. Elle s'est privée de boire et de manger. Elle a dit, tant que tu n'abandonnes pas cette religion, ici je vais me priver de boire et de manger. Je vais me laisser mourir. Est-ce que Sa'd ibn Abi Waqqas il a réagi mal avec elle? Ou est-ce qu'il est rentré dans un autre excès, c'est-à-dire il a abandonné sa religion? Là, wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. C'est ainsi on a fait de vous une communauté de juste milieu. Il ne l'a pas obéi, mais il s'est conformé à ce que Allah lui a dit. Ici, il s'est comporté convenablement envers elle. Et comme il est relaté dans Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dans son charh. Ici, il dit que, et ça c'est un hadith authentique, ici, Sa'd ibn Abi Waqqas, il laissait sa mère ouvrir, ou alors il forçait sa mère à ouvrir la bouche, et il lui calait sa bouche avec une sorte de petite branche, ici pour lui faire avaler de la nourriture et de la boisson de force, pour pas la laisser mourir. Bien que sa mère, elle lui disait, tombe dans la mécréance. Abandonne l'islam, mais il faisait tout pour pas la laisser mourir. Est-ce qu'il l'a obéi? Il ne l'a pas obéi. Fala tuti'huma, mais il s'est comporté convenablement envers elle. Et il a fait tout pour que sa mère ne se laisse pas mourir. Ici, ça c'est la preuve que quand tu te retrouves en face de parents, par exemple, d'un père ou d'une mère, ici, qui te force à tomber dans l'égarement, ne l'abandonne pas, ne le laisse pas tomber. Walidhalika qala subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salah, wastabir 'alayha. قو أنفسكم وأهليكم نارا. Allah Azza wa Jalla il te rappelle qu'il faut pas baisser les bras, il faut patienter, faut être régulier dans ta da'wa, faut pas se donner à fond pendant deux jours et laisser tomber après. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. عائشة elle a dit, elle a interrogé le prophète عليه الصلاة والسلام, quelle est la meilleure des œuvres. Il a dit أدوامها وإن قال. Ici celle qui est régulière même si elle est minime, vaut mieux être régulier dans ta da'wa, constant comme Allah t'a dit. Ordonne à ta famille de faire la prière, واصطبر عليها. Sois très constant quant à cet ordre, quant à cette recommandation, quant au fait que tu les appelles vers la vérité. Sois très constant. Allah dit, préservez vos personnes et vos familles du feu. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. Les meilleurs d'entre vous, ce sont les meilleurs avec leur famille. Et moi, je suis le meilleur d'entre vous avec ma famille. Et être bien avec sa famille, c'est avant tout de leur enseigner les paroles divines et les paroles prophétiques, de les inviter à l'islam. D'accord? Et à côté de se comporter bien avec eux, mais ça, ça fait partie de l'islam. De leur parler bien, ça, ça fait partie de l'islam. De les servir, ça, ça fait partie de l'islam, etc. Mais avant tout, c'est de leur dire, dites, قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Dites, لا إله إلا الله, et certes, vous serez réjouis, vous serez victorieux. Ici, vous réussirez. Ici-bas, fi dunya, et dans l'au-delà, wa fil akhirah. Ça, c'est la responsabilité de tout musulman et musulmane, tout croyant et croyante, avec sagesse et bonne exhortation. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation. وجادلهم بالتي هي احسن الايه كما قال سبحانه وتعالى. Et parle avec eux de la meilleure des façons. Et Allah Azza wa Jalla nous l'enjoint dans le Coran al-Karim quand il nous montre ici le comportement ici qu'ont eu des personnes qui font partie des meilleurs, min afdal al-nas, parmi les meilleures personnes, parmi les meilleurs des gens. C'est qui? Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam avec qui? Harun. Comme ici il est relaté dans le verset coranique où Allah subhanahu wa ta'ala il dit idhaba ila fir'auna innahu tagha. Et allez vers Fir'aun. Alladhi qal, hadha alladhi qal, ana rabbukum al-a'la. Ma'a dhalika qala subhanahu wa ta'ala li Moussa wa li Harun idhaba ila fir'auna innahu Tara, allez voir Pharaon, car il a certes transgressé. Il a dit quoi? Ana rabbukum al-a'la. Il a dépassé jawaz al-had. Il a dépassé les limites. D'accord? Et toute personne qui dépasse les limites, faqad tara. Il a certes ici transgressé. Et ici, il leur dit, Allah subhanahu wa ta'ala, Moussa et à Harun, et dites-lui des bonnes paroles, des paroles gentilles, des paroles douces. Et il dit, peut-être qu'il me craindra-t-il. D'accord? Peut-être qu'il reviendra. Peut-être. Ce n'est pas sûr. Mais pour nous enseigner que, on ne doit pas désespérer. Et on ne doit pas dire, Foulan, khlas, il est voué en enfer. Jamais il reviendra. T'as entendu ce qu'il a dit? T'as entendu ce qu'il a fait? Fir'aoun, il a dit, Ana rabbukum al-a'la, wa ma'a dhalika qala subhanahu wa ta'ala, idhaba ila fir'aoun, innahu tagha. Allez voir Fir'aoun, il a certes transgressé, la'allahu, peut-être ici, qu'il me craindra. Peut-être me craindra-t-il, peut-être reviendra, ici, il reviendra à sa raison, il se repentira, peut-être. Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne qu'on ne doit pas baisser les bras. Et Moussa alayhi salam, ayyuhal ahibba, il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala et il l'a fait. Et le prophète alayhi salatu wa salam, comme on l'a déjà cité, quand ici ils l'ont frappé jusqu'à lui casser des dents, il a dit, comment voulez-vous qu'un peuple réussisse? Un peuple qui frappe un prophète. Comment ce peuple pourra-t-il réussir? Allah subhanahu wa ta'ala a dit, laysa laka min al-amri shay, tu n'as aucune part ici dans quoi? Dans l'ordre divin. Allah azza wa jalla dit ça au prophète alayhi salatu wa salam. ولذلك قال سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. Personne ni ceux de يعني nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'invisible si ce n'est Allah azza wa jalla, l'invisible, l'inconnaissable, le futur. Donc toi tu ne dis jamais celui-là il est voué en enfer, celui-là il ne se repentira jamais. ولكن à toi de prendre خذ بالاسباب بالحكمه والموعظه الحسنه. Ici utilise les causes avec sagesse, bonne exhortation et place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. ولكن ça ne veut pas dire que tu écoutes ces gens égarés, que ce soit ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. Nous, on se conforme à ce que Allah a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Quelqu'un qui nous pousse à désobéir Allah azza wa jal, on agit en bien avec lui, surtout si c'est nos parents, et agir en bien, ce n'est pas de l'écouter. Walakin, c'est de lui dire avec bon comportement, avec sagesse, avec hikmah, ici, tu n'es pas sur le droit chemin, akhil habib. Ala kulli hal, ici, il persiste, tu appliques le verset coranique, wa idha khatabahumul jahiluna qalu salam, si tu vois qu'il n'y a aucun intérêt à parler avec lui, quand il rencontre un ignorant, il dit salam, tu te détournes de cette personne, mais avec douceur et sagesse. كما فعل ذلك سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضى وغيره من الصحابة ici ومن التابعين ومن أتباع التابعين ومن السلف et d'autres parmi les successeurs, parmi les ancêtres pieux, etc. et parmi les gens de science. Donc ici on doit vivre avec cette règle. Quand une personne s'est égarée du droit chemin, on doit reconnaître qu'il s'est égaré du droit chemin, même que ça soit notre père, même que ce soit notre mère, même que ce soit n'importe qui. On doit être équitable dans le jugement. On doit être juste dans le jugement. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. Allah Azza wa Jalla vous ordonne de restituer les dépôts aux ayants droit, et quand vous jugez entre les gens, ah, il vous ordonne d'être quoi? Équitable, juste. Que ça soit même envers ton père, envers ta mère, envers ton frère, envers ta sœur, envers toi-même. Allah il dit même envers toi-même. Tu sais que tu as tort? Dis j'ai tort. La ghalib, je suis en tort. Et si tu acceptes la vérité, c'est comme ça que tu avances. Si tu sais que ton frère a raison, il a raison. Si tu sais que toi, l'époux, ta femme, ton épouse a raison, t'as raison. Et si, au contraire, il faut pas prendre ça comme un rabaissement, au contraire, plus la personne se rabaisse face à une vérité, et plus Allah Azza wa Jal ne cesse de l'élever. Man tawada'a lillah rafa'a. Celui qui se rabaisse par humilité envers son Seigneur devant une vérité, Allah l'élève. Et tandis que al-aks, l'inverse, celui qui agit toujours avec orgueil, wal-iyadu billah, et ici toujours, c'est-à-dire orgueil, batarul haq wa ramtul nas kama qala alayhi salatu wa salam kama ja'a fi sahih Muslim, le fait de mépriser les gens, d'accord, et de ne pas accepter la vérité, Allah ne cessera de l'humilier. Ici, il ne cessera de l'humilier ici-bas et dans le delà. C'est pour ça que le prophète, il a commencé le hadith en disant, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Y a-t-il une plus grande humiliation que cela, le fait de ne pas rentrer au paradis? Le prophète, il dit, il ne rentrera pas au paradis. Ici, celui qui a le poids d'un atome d'orgueil dans le cœur, et quand il a décrit l'orgueil, il a dit, le fait de refuser la vérité, والعياذ بالله, de mépriser les gens. C'est pour ça que nous disons, أيها الأحبة, la personne doit être juste et équitable envers soi-même, envers les gens. Quand il juge entre deux personnes, quand il juge envers yani il juge ses parents, il juge ses enfants, il doit dire la vérité. قل الحق ولو كان مرا كما قال عليه الصلاة والسلام. Dis la vérité même si elle est amère. On reconnaît la vérité, on se soumet à Allah avant de se soumettre à des paroles égarées, ou alors à des gens qui suivent leur passion, ou bien à des personnes qui suivent leur plaisir, ou bien non, nous on suit Allah et le prophète عليه الصلاة والسلام. Personne n'aura la foi complète tant que quoi? Ici, là, يؤمن أحدكم, personne ne sera un véritable croyant que lorsqu'il m'aimera, comme a قال عليه الصلاة والسلام, il m'aimera plus que ses parents, que ses enfants, que l'ensemble des gens, et même que lui-même. Ça, c'est le vrai suivi du prophète, عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Et ceux-là, ce sont les gens qui sont sur la voie droite. Ce sont les gens qui sont sur la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle tout de suite après qu'il nous ait dit, ne les obéis pas, d'accord? Il nous rappelle qu'on doit obéir à qui? وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. Ah, il nous rappelle qui on doit suivre. Tout de suite après Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans un autre verset coranique ou le verset qui suit, et suit ici le sentier de celui qui se tourne vers moi. Et ça, ayyuhal ahibba, c'est une réponse à ceux qui disent qui je dois suivre. Là, Allah, il répond clairement dans le Coran al-Karim. On a d'autres hadiths qui en parlent, qui on doit suivre, qui on doit fréquenter, etc. Walakin Allah Azza wa Jalla, il parle du sentier. Ah, c'est plus large. D'accord? Il parle de façon générale. Qui on doit suivre? C'est-à-dire, si tu veux, quelle voie tu dois suivre? Ah, donc on parle de minhaj ici. Donc là, on parle de minhaj. Donc c'est large. Donc là, c'est vaste. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ. Ah, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit sabil. Et subul, c'est jam'u sabil. Et as-subul, c'est jam'u sabil, c'est-à-dire les sentiers. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne dans le Coran al-Karim de ne pas suivre, ou plutôt si tu veux, il nous interdit de suivre les sentiers. D'accord? Wala tattabi' as-subul. Ne suis pas les sentiers. Mais suis un sentier. Ici, quel est ce sentier? Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit. Wattabi', Allah, il parle d'un sentier. Al-ulama, ils ont dit, c'est la preuve qu'il n'y a qu'une voie droite. Il n'y a qu'un sentier qui est sur la vérité. Il n'y a qu'un minhaj qui est sur la vérité. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. Ah, إِلَيَّ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, dans un verset coranique, il dit, ne suis pas les groupes, ne suis pas les voix. Donc il y a plusieurs voix qui sont tous égarées. Mais il n'y a qu'une voix. Allah Azza wa Jal, il l'a spécifié. Il l'a mentionné, il a dit, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ. Mais laquelle voix c'est, ya Allah? مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. Qu'est-ce qu'on dit les savants sur ce verset coranique? Qu'est-ce qu'a dit particulièrement Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a? Qu'est-ce qu'a dit Ibn Kathir rahimahullah ta'ala? On va le voir bi-idnillahi azza wa jalla wa billahi al-tawfiq. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et suit le sentier de celui qui se tourne vers moi. Ici, quand on parle de façon générale, on dit c'est le sentier des prophètes et des messagers. Parce qu'on sait que afdalun nas wa atharun nas hum al-anbiya wa al-rusul. Ici, les gens les plus purs, les meilleurs des gens les meilleurs, ce sont les prophètes et les envoyés. On est d'accord. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il dit ici, et il parle de qui sont ces personnes-là, ceux qui se sont tournés vers Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, c'est le sentier des prophètes et des messagers. D'accord? Ça, c'est général. De façon plus précise, Ibn Qayyim al-Jawziyyah, rahimahullah ta'ala, il dit, et là, il spécifie, quelles sont leurs caractéristiques à ces gens-là? Parce que ça, ce verset coranique n'est pas spécifique aux prophètes et aux envoyés quand on réunit les paroles des gens de science qui ont expliqué ce verset coranique. Mais ce sont les prophètes et les envoyés, donc à leur tête, et tous ceux qui suivent les prophètes et les envoyés dans leur comportement, dans leur voix, dans leurs habitudes, etc. Donc ceux qui ont suivi le chemin des prophètes et des envoyés. Et à la tête des prophètes et des envoyés, Muhammad alayhi afdalu salati wa azka taslim. Wa lidhalika qala subhanahu wa ta'ala, wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez certes dans le comportement du messager d'Allah alayhi salatu wa salam un excellent exemple. L'exemple, c'est qui? Mohammed. Et quand on parle d'un exemple, alayhi salatu wa salam, c'est une personne qu'on doit suivre. D'accord? C'est une personne qu'on doit suivre. Fi aqwalihi wa a'malihi wa af'alihi alayhi salatu wa salam. Tant au niveau de ses paroles, de ses actions, de ses manières, de son comportement, de ses moralités, c'est ça le suivi. C'est ça la voie du prophète alayhi salatu wa salam qu'on doit suivre. Ayyuhal ahibba. Et Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, rahimahullah ta'ala, a montré les caractéristiques de ceux qui suivent cette voie-là. C'est-à-dire le chemin des prophètes et des envoyés à leur tête, Muhammad alayhi salatu wa salam. Comment réagissent-ils? Comment les reconnaître? D'accord? Car Allah, il nous ordonne de suivre ce sentier-là. Et dans un autre verset, il nous dit tous les autres sentiers, c'est des sentiers qu'on ne doit pas suivre, c'est des sentiers égarés, wal ayyadu billah. D'accord? Et suivez bien. Et là, on va parler de minhaj. Et ça, c'est un sujet extrêmement important, surtout à notre époque. Ici, Ibn Qayyim al-Jawziyyah, rahimahullah ta'ala, il dit, al-inaba, c'est se tourner vers Allah azza wa jal. Et le fait de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala comporte 4 degrés. Il dit, c'est le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'aimer Allah Azza wa Jal. Une personne, d'accord, qui est mounib, d'accord, qui se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala kama yanbaghi, huwa alladhi yuhibbu jalla jalaluhu. Il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Yuhibbullah. Il aime Allah subhanahu wa ta'ala avec toute sincérité. Khlas, il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça suffit de dire j'aime Allah? Non. L'amour en Allah Azza wa Jal, on doit le prouver à travers ici la langue. On doit le dire avec le cœur, c'est une croyance intérieure, et on le prouve aussi à travers les actions et les membres. Comme je le dis souvent, Ya Rab, je t'aime, walakin la usalli. Ya Allah, inni uhibbuk, la usalli, la uzakki. La, et il délaisse tous les préceptes religieux. Nous disons, c'est un mensonge. Donc tu aimes Allah Azza wa Jal sincèrement. Khlas, tu as un critère, d'accord, qui fait partie des critères des gens qui se tournent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens-là, quand tu les trouves, tu dois t'accrocher à eux. Pour former ce qu'on appelle, suivez bien, al-jama'a, un groupe. D'accord? Ces gens-là, tu dois t'accrocher à eux. Et quand tu t'accroches à eux, tu vas former bi-idnillah azza wa jal une jama'a, un groupe. Et ce groupe est indispensable pour réussir. On est d'accord, on a le terme al-jama'a. Et tu dois t'accrocher à eux parce qu'ils suivent le sentier de qui? Des prophètes. Al-anbiya et wal-rusul. D'accord? Donc ils suivent leur voie. Ils suivent ces sunan. Ils suivent leur voie à cela. Et à leur tête, la voie du prophète alayhi salatu wa salam. Donc ils suivent la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et ce groupe n'est autre que le groupe qu'a mentionné Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui est le groupe Ahlu Sunnati wal Jama'a. On comprend mieux ces termes-là. C'est les gens de la Sunna, alladhina yajtami'una hawlaha, ou alladhina yatamassakuna biha, c'est ce sont les gens qui s'accrochent à cette Sunna. Walladhina yajtami'una hawlaha, et ce sont eux, al Jama'a, qui se réunissent autour de l'haq, autour de la vérité, autour de cette Sunna. On va en revenir bi-idnillah azza wa jal. Continue. Donc ce groupe-là, ces gens-là, ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième catégorie ou deuxième critère, ils se soumettent à lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istislam lillahi al-wahid al-dayyan. Ici, ils se soumettent complètement à Allah azza wa jal. Donc ils aiment Allah, ils se soumettent à Allah. Qala Allah wa qala al-rasul, ils disent quoi? Sami'na wa ata'na. On a entendu, wa la yaqulun, ou wa la yaqulu, Sami'na wa asayna. On a entendu et on a désobéi. Mais ils disent, on a entendu, on a obéi. Il y a une différence. Donc, ils aiment Allah. Ils se soumettent à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment les reconnaître? C'est clair. Il aime Allah azza wa jal. Donc, il le prouve à travers sa crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de dire « Ya Allah, je t'aime », donc tu dois le craindre. Donc tu dois t'écarter de ce qu'Allah n'aime pas. Parce que toi, quand tu dis « J'aime mon père, mais je fais devant mon père ce que mon père n'aime pas. » Donc on va dire quelque part, tu ne l'aimes pas vraiment. « J'aime ma mère, mais devant ma mère, je fais ce qu'elle n'aime pas. » Quelque part, tu ne l'aimes pas vraiment. Comment dire que toi, tu aimes Allah, et toi, devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais ce que Allah n'aime pas. Donc on dit, tu n'aimes pas vraiment Allah. Donc ici, tu aimes Allah, donc ça veut dire que tu fais ce que Allah aime. وتترك المعاصي لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب المعاصي. Tout simplement, tu délaisses les actes de désobéissance, car Allah n'aime pas les actes de désobéissance. Ça, c'est une preuve d'amour. Donc, il aime Allah. C'est une personne qui s'écarte. على الأقل نقول من الكبائر. Au minimum des الكبائر. الزنا, الخمر, etc., etc. D'accord? Et donc, ça, c'est une preuve qu'il aime. Donc, celui-là, خلاص, il a le premier critère. Mets-le sur ton champ de vision. D'accord? La deuxième des choses, il se soumet à Allah. Il prouve avec ses membres. Il vient à la mosquée, il prie. Il donne des aumônes. Il agit avec un bon comportement. Il entend qu'Allah Allah wa qu'Allah Rasul. Khlas. Il ne reste pas polémiqué pour rien. Khlas. Il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Wadih. C'est clair. Troisième, ici, critère qu'il a. Il se détourne ici. Ou il se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire. عند الابتلاءات. عند المشاكل. عند المصائب. Ici, il se tourne vers qui? Pas devant les gens. ولكن il se tourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. يعقوب on est remis à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وفي آية أخرى أو في آية أخرى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. C'est auprès d'Allah عز وجل que placent leur confiance les croyants. Donc ici c'est des gens quand ils ont des problèmes ils disent Ya Allah. Quand ils ont un souci, Ya Rab. Quand ils ont des problèmes, Ya Rab. Ils savent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit. C'est Allah azza wa jal qui délivre des soucis, des tristesses, des angoisses. لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ قَالَ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ. Et si Allah fait qu'il t'arrive un mal, nul ne peut enlever ce mal, si ce n'est Allah. C'est Allah qui l'a dit. Donc c'est la personne qui il aime Allah, il le prouve. Il se soumet à Allah et tout le temps tu verras, il retourne vers Allah Azza wa Jal. Tout le temps, il dira Alhamdulillahi ala kulli hal, kama kana yaqulu alayhi salatu wa salam. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala dans toute situation, dans la difficulté comme dans l'aisance. Et il se souvient d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'aisance, donc il retourne vers Allah Azza wa Jal parce qu'il sait que le prophète alayhi salatu wa salam a rappelé qu'Allah Azza wa Jal a dit et nous rappelle que tant que toi tu te souviens d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'aisance, Allah azza wa jal, il se souviendra de toi, il ne t'oubliera pas lors de quoi? Lors de la difficulté. Quand toi, alhamdulillah, masha'Allah, tout va bien, la basse alik, toi tu te rappelles d'Allah, Allah azza wa jal, il te rappelle quand tu auras des problèmes, Allah il t'oubliera pas. Pourquoi? Parce que tu l'as pas oublié quand tu n'avais pas de problème. Donc ici, si tu veux qu'Allah se rappelle de toi, dans la difficulté, rappelle-toi d'Allah quand tout va bien. Tout va bien, dis « Ya Rab, falak alhamd ». Nous n'oublie pas Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu seras dans des problèmes, Allah, il viendra à ton aide et il t'aidera. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle, fais des efforts. C'est pas toujours « Ya Rab, donne », mais toi tu fais rien. Allah, il a pas besoin de toi, toi tu as besoin d'Allah azza wa jal. « Fa'inna Allaha la ghaniyun hamid ». Allah subhanahu wa ta'ala, il al-ahibba, il est le digne de louange. Allah Azza wa Jal, il se suffit à lui-même, subhanahu wa ta'ala. Il a des anges qui l'adorent 24 sur 24, 7 sur 7. Des anges ici, ayyuhal ahibba, qui sont purs et qui ne le désobéissent jamais comme Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim. Nous, on a besoin d'Allah. Donc c'est la personne, tout le temps, il se retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Claire, il aime Allah, il se soumet à Allah Azza wa Jal, il retourne tout le temps vers Allah subhanahu wa ta'ala et il se détourne d'autre qu'Allah Azza wa Jal. Dernière caractéristique, comme il dit Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, il se détourne d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il y a des gens qui te pousse à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas s'accrocher à ces gens. Non, il se détourne de ces gens-là qui le poussent à désobéir à Allah azza wa jal, à invoquer autre qu'Allah azza wa jal, à tomber dans l'association, ou alors le fait d'adorer d'autres personnes qu'Allah azza wa jal, des statues, des choses comme ça, il s'en détourne. Il se détourne ici de tout ce qui va à l'opposé de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut dans l'adoration. On adore qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'adore qu'Allah azza wa jal, et il demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et il se détourne ici de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Qayyim al-Jawziya rahmahullah ta'ala a dit, n'a le droit d'être appelé munib que celui qui a réuni ces quatre degrés. Et l'explication des pieux prédécesseurs de ce mot munib tourne autour de cela. Et ses propos sont dans Madarij al-Salikin de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziya rahmahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Hada huwa al-munib. C'est lui, celui-là qui retourne vers Allah Azza wa Jalla, celui qui réunit ces quatre critères, ayyuhal ahibba. Et celui-là, quand tu le trouves, accroche-toi à lui pour former une jama'a. Et si tu t'accroches à lui comme il se doit et vous êtes un groupe, sache que vous êtes la jama'a que le prophète alayhi salatu wassalam a cité. Vous faites partie de ce groupe qui aura ici l'agrément d'Allah Azza wa Jalla, insha'Allahu ta'ala, car le prophète en a fait l'éloge du groupe, de ce groupe qui est sur la vérité, quand il dit يد الله على الجماعة وفي رواية مع الجماعة. La main d'Allah, elle est sur le groupe, et dans une version ici, elle est avec le groupe. Première version, toi tu fais par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Deuxième version, version fiable, comme on va le voir bi'idnillah azza wa jal par la suite. Donc on a besoin de s'accrocher à un groupe, ayyuhal ahibba. Al-jama'atu rahmah. Wa sahah al-hadith Sheikhuna Al-Albani. Al-jama'atu rahmah wal-furqatu azab. Regardez le prophète ce qu'il dit. Le groupe est une miséricorde. Et la division est châtiment. Mais quel groupe? Est-ce que toi tu t'accroches à n'importe quel groupe? Non. On est en train d'expliquer qui est le groupe. Et quels sont les critères des gens qui adhèrent à ce groupe? Parce que là on parle de minhaj, de voie, de groupe. Et Allah Azza wa Jal, il nous ordonne de suivre cette voie-là. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. Ah, c'est ce groupe-là. Suis le sentier de celui qui se tourne vers moi. C'est qui? Ceux qui suivent les prophètes et à leur tête Muhammad alayhi salatu wassalam, et qui réunissent ces quatre caractéristiques. Ils aiment Allah, ils se soumettent à Allah azza wa jal, ils se retournent vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, lors des problèmes, etc. Et la dernier critère, ils se détournent de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Toute autre personne en dehors d'Allah azza wa jal, ils s'en détournent. C'est-à-dire, ils n'invoquent pas les gens, ils n'invoquent pas les statues, ils ne placent pas leur confiance en les gens, en des djinns, en des ceci, en des sahar, en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ceux-là, ces gens-là, ils vont former un groupe. Et ce groupe-là, suis-les, ya Abdallah. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous a ordonné, ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala avant cela, de s'accrocher avec les groupes, le groupe de gens qui sont sur la vérité. La voie qui est sur la vérité, et Allah subhanahu wa ta'ala en a parlé, et le prophète alayhi salatu wassalam aussi. À titre d'exemple, ici le prophète nous rappelle qu'il y aura toujours un groupe de sa communauté. C'est pas tout le monde. Un groupe de sa communauté qui sera sur la vérité. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le hadith est rapporté par al-Bukhari et Muslim, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق حتى تقوم الساعة. D'accord? Il y aura toujours un groupe, c'est pas tout le monde, un groupe de ma communauté. طائفة من أمتي ظاهرة على الحق. Ici, apparente sur la vérité jusqu'à ce que vienne l'heure. Rapporté par al-Bukhari et Muslim. Et le prophète alayhi salatu wassalam dans un autre hadith, il dit, ici, les juifs et les chrétiens se sont divisés en 72 sectes ou parties, firak. Et ma communauté, la communauté du prophète alayhi salam, va se séparer en 73 sectes ou 73 groupes. Il dit, kulluha finnar. Tous ces groupes, ils seront en enfer, wal'iyadu billah. Pourtant, ils vont dire, la ilaha illallah. Pourtant, ils vont prier. Pourtant, mais le prophète, il a dit, tout le monde en enfer. Illa wahida. Sauf une. Ils ont dit à Rasulallah, c'est qui ce groupe qui est pas en enfer? Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans une version al-jama'a, c'est le groupe. Vous voyez le terme al-jama'a, l'importance du groupe. Mais quel groupe? Wattabi' sabila man anaba ilayya. On a expliqué c'est qui le groupe. Ceux qui suivent le Coran et la Sunna bi fahmi salaf al-umma, qui se conforment ici à ce que Allah veut, ce que Allah aime. Ils aiment Allah azza wa jal, ils se soumettent à Allah azza wa jal. Ils retournent vers Allah subhanahu wa ta'ala lors de leurs problèmes. Ils se détournent de tout autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ceux-là les gens avec qui il faut s'accrocher. Al-jama'a. Et dans une version authentique, le prophète alayhi salatu wassalam a répondu, ceux qui sont sur ma voie, et la voie des compagnons radiyallahu ta'ala anhum wa arda'ahum. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, c'est qui ce groupe-là? Ceux qui sont sur ma voie, la voie du prophète alayhi salatu wassalam. la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام et la voix des compagnons رضي الله عنهم وأرضهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Ici, vous devez suivre ma sunna, et la sunna, c'est-à-dire la voie. Ah, on parle de voie. C'est quoi la sunna? La voie, la méthodologie du prophète, alayhi salatu wassalam, la voie, le comportement, les moralités, le caractère, les paroles, les, du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais aussi, des compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, car le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, alaykum bi sunnati, wa sunnati al-khulafa, al-rashidin al-mahdiyin, addu alayha bin nawajid. Ici, et aussi, les califes bien guidés, à leur tête, Abu Bakr, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, ils ont reçu l'éloge du prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète nous a dit, suivez-les aussi. Et ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, non seulement il nous a dit, suivez-les, suivez ces voies-là, mais mordez-y fermement. Un terme qui monte avec vos dents, avec vos molaires. C'est-à-dire, fermement. C'est pas simplement tu suis. Walakin fermement. Et tu te dois de t'accrocher fermement, ayyuhal ahibba. Surtout à notre époque. Où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il viendra une époque où il sera tellement difficile de pratiquer sa religion que ça sera comparable au fait de quoi? D'avoir des braises de feu dans les mains. Est-ce que tu peux garder du feu ici à Nar, ou alors des braises de feu dans les mains? Tu peux pas, tu la lâches. Il dit, ça sera tellement dur à cause de quoi? Kathratul fitan. L'excès de troubles. C'est-à-dire les troubles al-fitan, comme on a dit, les mauvaises épreuves. Ici, il y aura tellement d'épreuves. Ça sera tellement dur de pratiquer sa religion que ça sera comparable à tenir des braises de feu dans les mains. Walakin, ici Allah est juste et équitable. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle encore une fois, ayyuhal ahibba, l'équité d'Allah azza wa jalla, la justice d'Allah azza wa jalla, la bonté d'Allah azza wa jalla, la miséricorde d'Allah azza wa jalla. Et il dit, walakin, ils auront la récompense de 50, de 50. Ils ont dit 50 qui? Deux? 50 de qui? Il a dit 50 minkum. 50 minkum, 50 d'entre vous. C'est-à-dire la récompense de 50 compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Mais jamais on sera meilleur que les compagnons. Là, simplement, dans les actions, on aura la récompense de 50 compagnons. Pourquoi? Parce qu'on sera dans une époque où pratiquer la religion, comme dans l'époque dans laquelle nous sommes, ça sera dur. Voilà qu'il le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a mentionné qu'il fallait s'accrocher fermement à cette religion et ne pas délaisser les préceptes religieux. Donc, ce groupe, ayyuhal ahibba, c'est le groupe de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Donc, les gens qui s'accrochent à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, comme les a appelés Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, et al-jama'a, le groupe qui s'accorde d'accord au fait qu'il faut se réunir autour de cette sunna. Loin de al-bida', les innovations, de ce qui est contraire à la religion, de ce qui est détesté par Allah et son messager. Ça, c'est le groupe. Mais ces gens-là, c'est qui? C'est des musulmans. D'accord? Ce sont des musulmans. Nous, on est quoi? On est musulmans. D'accord? On le veut ou pas? À partir du moment où tu te dis musulman, tu es un musulman. Walakin, ces termes-là. Pourquoi ces termes-là, alors? On entend au jour d'aujourd'hui, ikhwani, salafi, tabliri, etc., etc., etc. Ça, c'est des termes, d'accord, qui ont été ici apportés pour se différencier d'autres groupes. Chacun veut se différencier d'un autre groupe. D'accord? Mais ce qui nous importe, comme on le dit, souvent, d'accord, sauf, ici, excusez-moi du terme, une personne qui a rien dans la cervelle sera opposée à ces termes-là, que je vais dire ici, qui ont été apportés par les savants. Ce qui nous importe principalement, et le plus important, c'est de suivre le sens des termes. C'est de se conformer à ces termes qui sont nobles, comme Ahlus Sunnati wal Jama'a, d'accord, As-Salafiyya, d'accord, les gens qui suivent les ancêtres pieux, ce minhaj-là, cette voie-là. Amma, le fait de se dire Tabliri, Ikhwani, Salafi, si ça suffirait, comme je le dis souvent, si le terme ou alors le nom suffirait simplement, il suffirait de dire, moi je suis pieux, et va faire zina, va boire de l'alcool, va... Non, t'as dit tu es pieux, tu es pieux. C'est tout reposé dans un nom. Moi je suis au paradis, fais ce que tu veux, t'as dit je suis au paradis, wa ana min ahlil jannah, moi ça y est, khalas, t'es au paradis. Est-ce que c'est parce que tu vas te dire je suis salafi, que ça y est, tu suis les ancêtres pieux? Je suis tabliri, que toi tu vas transmettre la religion comme il se doit. Je suis kada wa kada, que toi tu vas... Non. Amma nous, ce qui nous importe, c'est de mettre en application et de le prouver à Allah subhanahu wa ta'ala, ici, qu'on s'accroche fermement à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, loin des innovations, et qu'on veut s'accrocher fermement au groupe qui se réunit autour de cette sunna. C'est pour ça que Ibn Taymiyyah a donné cette appellation, Ahlus Sunnati wal Jama'a, les gens qui s'accrochent à la sunna et au groupe, d'accord, qui suivent la sunna, qui s'accroche à la sunna et qui se réunissent, al-jama'a, autour de cette sunna. D'accord? Quand toi, tu dois te différencier de groupe. Et il te dit, mais de quel groupe? Là, tu es quoi, musulman? Oui, mais de quel groupe? De quelle tendance? Parce que le prophète a dit, ma communauté va se séparer en 73 parties. Kulluha finnar. Tous en enfer. Illa wahida. Sauf une. Et il a dit, al-jama'a. Ah, il a dit le groupe, al-jama'a. Donc moi, je suis ce groupe-là. Et dans une autre, donc, dans une autre version, le prophète, alayhi salatu wasalam, il a dit, ceux qui suivent ma voix et la voix des compagnons. On est d'accord ou pas? Deux hadiths authentiques. Donc, est-ce qu'il y a un mal de dire al-sunnati wal-jama'a? Il n'y a pas de mal. Pourquoi? Parce que ça a été décrit par le prophète alayhi salatu wasalam. Il a dit al-jama'a. On trouve le terme al-jama'a. C'est ce groupe-là qui est sauvé ou pas? Le prophète l'a dit clairement. Il l'a dit clairement. Al-jama'a. Et dans une autre version, il a dit ceux qui suivent là, ma sunna. Il l'a dit clairement ou pas? Il l'a dit clairement. Donc nous, on dit clairement avec science, à la basira, ici, que nous suivons, comme il a dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, et avant lui, Muhammad alayhi salatu wasalam. Le groupe de Ahl Sunnati wal Jama'a, c'est-à-dire ceux qui suivent la voie à la Sunna du prophète alayhi salatu wasalam, car le prophète il a dit, c'est qui fera partie du groupe sauvé? Il a dit, ceux qui s'accrochent à ma Sunna et la Sunna des compagnons. Donc la Sunna, donc je suis le groupe de la Sunna. Et dans une autre version, il a dit, Al Jama'a, le groupe, Al Sunnati wal Jama'a. Hada wa, y'a pas de mal, pas de souci à le dire. Surtout, et soulignez bien ça, surtout que ce terme Al Sunnati wal Jama'a, surtout au jour d'aujourd'hui, ne pose pas de problème. D'accord? Ne pose pas de problème. En général, ce n'est pas un terme qui est venu et qui est une source de division dans la communauté. D'accord? Parce que ça, c'est un terme général. D'accord? C'est général. Amma, des termes comme tablighi, ikhwani, salafi, ça a créé plus de division qu'autre chose. Donc nous, on dit clairement, je fais partie du groupe de Al-Sunnati wal-Jama'a. Pourquoi? D'où vient ces termes? Qala Rasulullah alayhi salatu wassalam. Ma communauté se sépare en 73 parties, tous en enfer, sauf une. Ils ont dit qui? Il a dit Al-Jama'a. Dans une autre version, ceux qui suivent ma sunna et la sunna des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il a dit Al-Firqatun Najiyya, hiya Al-Sunnati wal-Jama'a. C'est clair, c'est simple, khlas. Maintenant, il y a d'autres personnes qui vont dire, oui, mais Al-Salafiyya, et ça, c'est le groupe sauvé parce que ici, on doit suivre les salaf et les... نعم الدليل على ذلك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام والحديث رواه مسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit le meilleur ou les meilleurs des gens, ce sont ceux qui sont à mon époque, ensuite ceux qui vont venir après, التابعين ثم الذين يلونهم أتباع التابعين, ceux qui vont les suivre, les trois générations. Et ces trois générations sont les salaf, ils sont les ancêtres pieux. خلاص. Donc toi tu dis, je suis musulman. Quelqu'un te dit, pousse plus loin, parce qu'on a besoin de savoir. Je suis al-sunnati wal-jama'a. Avec une bonne compréhension, la preuve, je t'apporte les preuves. Regarde ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et regarde la deuxième version, c'est en totale concordance avec ce terme-là. Donc tu me dis qu'il y a un intérêt de le dire, je dis al-sunnati wal-jama'a. Pousse plus loin, parce que tout le monde dit qu'on est al-sunnati wal-jama'a. Nous, on suit le minhaj des salaf. On suit la voie des ancêtres pieux, al-salaf. Ici, pourquoi? Qala Rasulullah alayhi salatu wasalam. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, le hadith que je viens de citer. Donc, il a fait l'éloge de ces trois générations, qui sont les ancêtres pieux. Walakin, pousse plus loin. Je n'ai pas besoin de pousser plus loin. Le reste, c'est à moi de prouver. Non, dis que tu es salafi. Je t'ai dit, je suis les salafs. Dire, je suis salafi, ne va pas faire de moi automatiquement une personne qui suit les salafs. Walakin, dire, je suis les salafs, c'est obligatoire. Les suivre, c'est obligatoire. Dire, je suis salafi, surtout à notre époque où c'est une cause de division, ce n'est pas du tout obligatoire. Et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, l'a détaillé clairement, seuls des gros égarés vont dire le contraire. Certes, il y a des savants qui ont apporté les preuves, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, qui a dit, on doit se dire clairement salafi. Et Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dans une version et une fois, il l'a dit, laisse ces appellations, tu n'as pas à le dire. Et dans d'autres cours, il le dit, dis-le clairement. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où, ici, tu dois te séparer de certaines sectes égarées. Vraiment clairement, tu dois le mentionner clairement. Il n'y a pas de mal, bien au contraire, dis-le. Walakin, de façon générale, pour te dire, et surtout quand c'est la source d'une dissension, une division, de façon générale, quand tu sais que c'est une source de division, ce terme-là, délaisse ce terme-là, suis la voie des ancêtres pieux et dis-le clairement, je fais partie de Al-Sunnati wal-Jama'a et wa ana ala minhaj al-Salaf. Incha'Allah. Ah, tu te prends pour qui, toi? Si Allah le veut. Incha'Allah. J'espère. Arju dhalik. J'espère cela. Pas parce que je suis salafi que t'es salafi. Ou je suis tabliré ou que je suis tabliré. Ou je suis je. Non. Ici, tu dois prouver. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ça c'est demandé à tout musulman. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah Azza wa Jal. Les tabliris vont arriver, vont dire, vous avez vu la meilleure communauté. Alors donne le bien. On interdit le mal, on est des tabliris, khlas. Donc ça veut dire, à part vous, les tabliris, tout le monde est égaré. On ne fait pas partie de ce verset coranique. Ajhada. At-ta'assub. C'est quoi ce fanatisme, cet égarement, wal'iyadu billah. Nous, on a une époque où il faut prouver. Nous, quand c'est l'heure de prier, on prie. Quand c'est l'heure de faire da'wah, on fait da'wah. Avec ilm. Avec science, pas avec égarement. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَدْ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Allah Azza wa Jalla il rappelle إِنَّ السَّمْعَ ici loué إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ la vue وَالْفُؤَدْ et le cœur كُلُّ ذَلِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Sur tout cela tu seras interrogé avec science. Quand c'est l'heure de travailler, travaille. Al-amal, ibada. Dans certains cas, quand tu l'as bien compris. Quand tu sais que ici tu fais devant, c'est toujours al-akhira ala hadhihi al-hayati dunya, c'est-à-dire c'est waqtu salat, tu délaisses al-amal et après à côté tu travailles pour avoir de l'argent halal, là tu dis il y a pas de problème, al-amal ibada. Quand c'est l'heure de travailler, on travaille. Quand c'est l'heure d'apprendre la science, on apprend la science. Quand c'est l'heure de faire ad-da'wa, on fait ad-da'wa. Quand c'est l'heure de transmettre, c'est un tout. Amma maintenant quand tu vois les sectes ou alors des tendances égarées, ils sont rentrés dans l'excès dans une seule chose. Il y en a, ils parlent que ici par exemple de da'wa. Et ils parlent que de da'wah jusqu'à ce que toute leur vie, ils l'ont mal comprise. Ou plutôt, leur acte d'adoration, ils les ont mis en application, d'accord, ou ils les ont appliqués avec une intention déplacée. Je m'explique. Je parle, et je veux pas parler parce que là, quelquefois je parle des salafis, je dis, regarde, il attaque les salafis, il parle des tablirs, il attaque les tablirs. Et là, comprends ce que tu veux. Amma, ici, moi mes paroles sont claires, si tu l'as mal compris, smahli akhoya. Si, c'est pas mon problème. Moi je parle clairement, je donne des exemples concrets. Je suis pas là pour attaquer nous, yani, kama qala subhanahu wa ta'ala, c'est une règle générale. Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Ici, les musulmans sont des frères. ولكن الذي إنما المؤمنون إخوة ستن أخوة إيمانية فوندي سور لافوا الإيمان قال الله وقال الرسول بفهم سلف الأمة ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. Celui qui aime pour Allah, c'est pas pour mes passions, il déteste pour Allah, il donne pour Allah, il retient pour Allah, il a certes complété sa foi. Nous on aime, on déteste en Allah. Quand un frère a des défauts ici et des choses détestées par Allah, on les dit, on le déteste pour Allah. À côté il a ses qualités, je l'aime pour Allah dans ses qualités. C'est ça le juste milieu, ayyuhal ahibba. Par exemple ici une fois j'étais avec un frère, jazahullahu khairan, et les frères tablir ils font un travail magnifique, bien que nous disons kama qala al-ulama al-ghalib indahum al-jahl. Ce qui passe ou alors prédomine chez eux, c'est l'ignorance malheureusement. Ils ont ce défaut qui fait qu'ils parlent souvent sans science, etc. Ala kulli halin, des frères tablir, ils me disaient une fois, même quand je suis al-hajj, et quand tu viens al-hajj, mon frère, tu dois venir avec un hajj en disant, je suis venu al-hajj avec la niya du khuruj fi sabilillah. C'est-à-dire, lui, dans sa tête, khuruj fi sabilillah. Donc, on est obligé de faire je dis, tu viens al-hajj, awalan, parce que c'est un acte obligatoire, et pour satisfaire ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, et ici pour te rapprocher d'Allah, et qu'Allah te pardonne tes péchés, et à côté tu fais ad-da'wa. Non, et pourtant c'est clair, et on aurait pu dire, oui tu sors fissabila, c'est une sortie fissabila, pas de mal, mais ils sont tellement rentrés dans un monde, khuruj fissabila, khuruj, et tu vas les voir, même quand ils sortent fissabila, et qu'ils appellent, et ils prêchent la bonne parole, pendant qu'ils font da'wa, ils commencent, qui veut sortir 4 jours, qui veut sortir 40 jours, ils sont toujours dans ce monde, faut sortir, c'est un excès. Et tu verras d'autres personnes. Il part dans un autre excès. Et d'autres personnes dans un... Non, ici, il y a un temps pour tout, ayyuhal ahibba. Et c'est ça la religion de juste milieu. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a rappelé ici que c'était la personne la plus pieuse. Et il a dit, moi, quand je me marie. Le prophète, alayhi salam, il a dit, je me marie. Le prophète, alayhi salam, il dormait, il mangeait, il... Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il a montré c'était quoi la voie du juste milieu et la vraie sunna qu'on doit adopter. Donc nous sommes ici un groupe qui fait partie du groupe de Ahl Sunnati wal Jama'a. On suit les ancêtres pieux. Et nous sommes des musulmans. Et on sort ces termes-là avec dalil et avec preuve et bonne compréhension en les appliquant quand il y a un intérêt à les sortir. D'accord ? Amma ici, le sortir et crier sur les toits et ne pas agir comme le groupe de Al-Sunnati wal-Jama'a, ça c'est un pur égarement. Et ces personnes sont encadrées par le verset coranique où Allah Jalla Jalaluhu dit dans le Coran Al-Karim, « Ya ayyuhal ladhina amanu lima taquluna ma la taf'aloun, kabura maqatan inda Allahi an taqulu ma la taf'aloun. » Ô vous qui avez cru, qui dites des choses que vous ne faites pas. C'est un acte abominable, c'est quelque chose de grave auprès d'Allah Azza wa Jalla de dire ce qu'on ne fait pas. Pourquoi je vous dis ça? Il y a des gens qui se donnent l'appellation et ils n'ont pas suivi ce que je viens de citer ici. Mais eux, ils préfèrent passer directement à l'étape en disant, non, je veux même pas Al-Sunna wal-Jama'a, je veux même pas dire minhaj, non, je dis directement je suis salafi, ou je suis tabliri, ou je suis ikhwani. Mais quand tu regardes comment on décrit les gens de science, et je vais vous décrire ce qu'a dit Cheikh Al-Uthaymin rahmatullahi alayhi avec les références. Et vous pouvez vérifier en arabe et en français dans ce livre qui est les piliers de la foi de Cheikh Al-Uthaymin rahmatullahi ta'ala. Il a dit comment on reconnaît le critère des gens de Al-Sunna wal-Jama'a, de la bonne aqida. Et ici, il va donner 4 critères. Et tu verras qu'il y en a beaucoup, et je ne généralise pas, qui se disent de certains groupes, mais qui n'ont pas du tout ces critères. Pourquoi? Parce qu'ils parlent plus qu'ils n'agissent, malheureusement. Donc on est en train de voir dans les détails qui est ce groupe sauvé, qui est le groupe de Al-Sunnati wal-Jama'a. Voilà qu'il y a l'asaf al-shadid. Si je continue à rentrer encore plus dans les détails, je ne peux plus m'arrêter. Et le temps ici est déjà fini, c'est déjà l'heure. Hein? C'est à 5. Hein? Donc le problème... je peux pas me lancer. Si je me lance, je peux pas m'arrêter. C'est ça le problème. Et là, on va dire, c'est une muqaddima bi'idnillah azza wa jalla, c'est une introduction. Et déjà, si vous avez compris ce que j'ai dit, wala nuzakir Allah ahada, ici, vous avez compris énorme, fawarab bil ka'ba, ne négligez pas ces paroles. Wala nuzakir Allah ahada. D'accord? Ici, c'est énorme. Concernant minhaj, juste cette muqaddima que j'ai fait. Et avec des preuves claires. Du Coran de la Sunna, bifahmi salafi l'umma. Et ici, ensuite, bi'idnillah, on va rentrer plus dans les détails, bihawlillah azza wa jalla, pour comprendre bien qui sont ces gens-là. Qui s'accroche au groupe dont Allah subhanahu wa ta'ala a parlé dans le Coran al-Karim, dans ce verset coranique, وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. Donc ces gens-là qui adhèrent al-jama'a, qui suivent la sunna des prophètes et particulièrement à leur tête la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. On va voir cela dans les détails bihawlillah azza wa jal. Et comment reconnaître les gens qui adhèrent à ce groupe et comment savoir si une personne ne fait plus partie de ce groupe de façon très brève en citant ici 4 critères qui sont des critères de référence, tout cela, bihawlillahi azza wa jal, la semaine prochaine, incha'Allah ta'ala, on les citera, et on se donne rendez-vous, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, demain, entre le maghrib et l'isha, pour les questions-réponses, barakallahu fina wa fikum, subhanakallahum wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.